2008. Yeah. Ok. Rodé Rogers. Ou c'est une fraude. Sans papier. Sincère connexion. Débarquement. Improvise. Yeah. Chaque personne doit être libre de ses gestes. La vie est trop courte, beaucoup partent et peu restent. Pouvoir vivre n'importe où sans que nul ne conteste. Du nord jusqu'au sud et de l'est jusqu'à l'ouest. Chaque personne doit être libre de ses gestes. La vie est trop courte, beaucoup partent et peu restent. Pouvoir vivre n'importe où sans que nul ne conteste. Du nord jusqu'au sud et de l'est jusqu'à l'ouest. Chaque jour pour une nouvelle vie, ils quittent tous leur pays. Des années d'économie pour finir sans abri. Mal nourris, les passeurs les laissent dans l'oubli. Ou alors y'a aussi toutes ces filles vendues, kidnappées par casting, mensonge à leur famille. Faire le trottoir sous la menace, voici leur nouvelle vie. Certains appellent ça un voyage d'initiation, alors que certains préfèrent le terme d'immigration. Esclavage moderne, être humain à quatre pattes, voilà le prix du contenu de ta poche arrière droite. Dans l'histoire de la connerie, on vient de franchir les paliers, car l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Dans nos malheurs, on doit s'en sortir. Trop de gens obligés de râler. Cherche l'erreur dans le fait de l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Dans le malheur, on est forcé de souffrir. La souffrance est le prix à payer. Cherche l'erreur dans le fait que l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Certains doivent quitter leur pays pour ne plus avoir peur. Certains doivent quitter leur famille même si ça fait mal au cœur. Certains vont briser leur vie pour faire manger frères et sœurs. Même avec tant de bonne foi, c'est retour à l'envoyeur. Profit particulier sur le dos des sans-papiers en situation irrégulière. Travail peu ou non rémunéré. Menacé, se faire balancer. Une vie pas méritée, maltraitée, ramenée, escortée et mal jugée. Dans nos malheurs, on doit s'en sortir. Trop de gens obligés de râler. Cherche l'erreur dans le fait que l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Dans le malheur, on est forcé de souffrir. La souffrance est le prix à payer. Cherche l'erreur dans le fait que l'être humain vaut. Mais sachez qu'un être humain n'est pas qu'une carte d'identité. C'est un corps, un cœur, dans son intégrité. Famille, être aimé, peuvent très bien l'identifier. Pourquoi tenter de lui ôter toute identité? Pourquoi tenter de lui ôter toute identité? Pourquoi tenter de lui ôter toute identité? Dans nos malheurs, on doit s'en sortir. Trop de gens obligés de râler. Cherche l'erreur dans le fait que l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Dans le malheur, on est forcé de souffrir. La souffrance est le prix à payer. Cherche l'erreur dans le fait que l'être humain vaut moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier. Moins qu'un bout de papier.